إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on continue dans l'explication de notre livre Al-Usul al-Thalatha avec le sharh du Sheikh Zayd al-Madkhali. Et c'est le cours 11 aujourd'hui. Et juste avant de rentrer dans le sujet, c'est bien de se rappeler ensemble en même temps que on a tous besoin de la connaissance qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala et du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et de se rappeler de ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné. Et plusieurs d'entre nous, on est occupés durant la semaine. On a du travail, on a des occupations, on a la famille, on a la dunya, on a des soucis. Donc c'est bien de prendre un peu de temps pour se rappeler. Et parfois, certains d'entre nous, la seule occasion qu'on a pour se rappeler d'Allah subhanahu wa ta'ala, en dehors de qu'est-ce qu'on entend dans la khutbah de Jumu'ah, c'est justement qu'est-ce qu'on entend lorsque l'imam est sur le mimbar le vendredi. Parce que c'est le temps qu'on prend et qu'on se libère pour venir et établir cette ibada, cette obligation durant la semaine. Et c'est évident que ce moment-là durant la semaine, c'est un moment très important, sauf que c'est pas suffisant. C'est pas suffisant pour un cœur croyant d'avoir uniquement ce moment-là comme rappel durant la semaine. Comme les ulama, ils ont expliqué que le corps de l'homme et le cœur de l'homme, il a besoin du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala plus que de ce qu'il a besoin comme nourriture ou comme eau ou comme autre besoin parmi les besoins naturels qu'il possède. Ces besoins-là sont des besoins importants, sauf que le besoin qu'il a par rapport à la connaissance qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala et à la lumière et à la guidance, c'est encore plus important pour lui que tout ça. Donc, ayant dit ça, on commence maintenant, inshallah, avec la lecture de ce que dit le Cheikh dans l'explication aujourd'hui du livre. Et on est arrivé au passage où le Cheikh il dit « Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu amma ba'd. Faqad wasalna fi d-dars al-madi ila qawli al-musannif rahimahullah, i'lam rahimakallah, annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslima ta'allumu hadhihi al-masail al-thalath, aw hadhihi al-thalath al-masail, wal-amalu bihin. Al-ula, anna Allah khalaqana wa razaqana ولم يتركنا هملا بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. Donc le Cheikh, après avoir mentionné que toute la louange appartient à Allah subhanahu wa ta'ala et paix et salut sur son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sur sa famille et sur ses compagnons et tous ceux qui l'ont pris comme allié, ensuite il dit: nous sommes arrivés dans le dernier cours à l'endroit où le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah dit: sache, que Allah te fasse miséricorde, qu'il est obligatoire à chaque musulman, homme et femme, d'apprendre les trois questions suivantes et de les appliquer. Et il dit la première, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés et qu'il nous a donné notre subsistance, notre risque. Et il ne nous a pas laissé hamalan, c'est-à-dire il ne nous a pas laissé comme ça, sans obligation et sans interdiction. Hein, il nous a laissé avec des ordres et des obligations et des choses à respecter. Et il nous a envoyé un messager. Quiconque lui obéit entrera au paradis et quiconque lui désobéit entrera en enfer. Le cheikh explique cette parole. Il dit « Fafi qawli al-mu'allif rahimahullah i'lam tanbihun wa irshadun li tawjihi wa tawjihun li talib al-ilm liyusri ila masailihi wa yahtamma bi sha'nihi فالعلم هو خير ما يهتم به وخير ما تصغى إليه القلوب والجوارح لكي تفهمه على الوجه الصحيح ومن ثم العمل به إذ هو ثمرة العلم. Donc le cheikh il explique que l'auteur il commence en disant sache, et donc ça c'est pour attirer ton attention et c'est pour commencer à t'orienter et à donner l'orientation à celui qui recherche la science pour qu'il écoute et prête attention à qu'est-ce qui va être lui, à qu'est-ce qui va lui être présenté comme sujet et comme point et comme question et pour qu'il donne de l'importance à qu'est-ce qu'il va entendre parce que il n'y a rien comme chose à laquelle on doit donner d'importance plus important que la science qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala et c'est la chose à laquelle c'est la meilleure d'entre les choses à laquelle tu peux donner ton attention parmi les choses auxquelles tu donnes ton attention et vers lesquelles les cœurs et les corps se tournent. Et aussi dans le but que tu puisses comprendre correctement. Parce que si tu n'écoutes pas avec attention, eh bien tu risques de ne pas comprendre correctement. Et bien entendu, ensuite de ça, le but c'est de l'appliquer, c'est-à-dire d'appliquer ce qu'on va apprendre, puisque c'est le fruit de la science. Et ensuite il dit, اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه المسائل الثلاث والعمل بهن. Donc, sache que Allah te fasse miséricorde, qu'il est obligatoire à chaque musulman et à chaque musulmane d'apprendre ces trois points, ces trois questions et de les appliquer. Donc, le cheikh, maintenant, il va expliquer qu'est-ce que ça signifie en détail. في قوله رحمك الله خطاب لكل قارئ وسامع وهي جملة تدل على نصح المؤلف وإخلاصه لإخوانه المسلمين والمؤمنين حيث دعا لهم بين يدي مسائل مهمة ليعلموها ويعوها ويعملوا بمقتضاها وذلك من الآداب الحسنة في التأليف وفي المخاطبات وفي الخطب وفي المحاضرات على اختلاف أنواعها ويسلك علماء السلف في توجيهاتهم ويعني كتابة وخطابة وتوجيها سديدا هذا المسلك لتنبيه السامع والقارئ والدعاء الخالص له. Donc le cheikh il dit que l'auteur il te dit que Allah te fasse miséricorde. Il fait un dua à Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'Allah te fasse miséricorde et bien entendu ça s'adresse à toute personne qui entend et toute personne qui lit. Qu'est-ce qu'on est en train de mentionner? Et ça fait partie du bon conseil de la part de celui qui a écrit, de l'auteur, et ça fait partie aussi de sa sincérité envers ses frères parmi les croyants, parce qu'il leur veut du bien. Donc il fait des invocations à Allah subhanahu wa ta'ala pour eux avant de leur parler des choses importantes pour qu'ils puissent les apprendre, les connaître, les comprendre et les appliquer, agir selon ce que ces paroles-là vont impliquer. Et ça fait partie des bonnes manières que les auteurs ont utilisées lorsqu'ils écrivent, lorsqu'ils font des discours, lorsqu'ils font des khutab et des conférences et ainsi de suite, peu importe les différentes catégories de discours qu'ils font. Tout ça, c'est une des méthodologies qui a été employée par les premiers d'entre les savants des salafs qui nous ont précédés, dans leurs orientations, que ce soit par écrit, que que ce soit dans leurs paroles, dans leurs discours, dans les orientations qu'ils donnent. Et c'est pour en même temps montrer, donc, comme j'ai dit, de faire une invocation sincère pour la personne qui lit ou qui écoute. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار والدليل قوله تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. Donc le cheikh il explique que la première chose parmi ces trois points qu'on va mentionner, qui est la deuxième partie de l'introduction de cette risala, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés et nous a donné notre subsistance. Et il ne nous a pas laissés sans obligation et sans interdiction. Au contraire, il nous a envoyé un messager. Celui qui l'obéit, celui qui lui obéit, entre au paradis, et celui qui lui désobéit, entre en enfer. Et la preuve de ça, c'est dans le verset 15 et 16 dans Surat Al-Muzzammil. Allah subhanahu wa ta'ala dit, ce qui signifie, nous vous avons envoyé un messager comme témoin sur vous, comme nous avions envoyé à Pharaon un messager. Mais Pharaon a désobéi au messager et nous l'avons pris d'une manière très sévère. Nous l'avons attrapé d'une manière très dure. أخذاً وبيلاً. Donc le cheikh il explique, il dit ثم بين رحمه الله أن هناك ثلاث مسائل من أسس الإسلام وأصول الإيمان يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلموها وأن يفهمها فهما صحيحا ويعمل بمقتضاها وهذه المسائل الثلاث حصرها المؤلف بالتتبع والاستقراء من نصوص الكتاب والسنة ثم شرع في بيان المسائل فبدأ بالمسألة الأولى وهي قوله وأن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار وهذه المسألة أدلتها ثابتة صريحة في الكتاب والسنة وهي أن الله خلق الخليقة على اختلاف أجناسها وأصنافها وصرح بذلك في آيات محكمات ومنها قوله تبارك وتعالى الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل ومنها قوله عز وجل وخلق كل شيء فقدره تقديرا. Donc ensuite Allah subhanahu wa ta'ala nous a expliqué d'autres questions et d'autres points. Ensuite le cheikh il explique d'autres points et d'autres questions. Et il dit donc que Allah nous a créés, il nous a donné notre subsistance. Et il ne nous a pas laissés sans obligation et sans interdiction. Il nous a envoyé un messager, celui qui lui obéit entre au paradis, celui qui lui désobéit entre en enfer. Ces questions-là qui sont mentionnées dans cette phrase, elles sont supportées par plein de preuves dans le Coran et dans la Sunna, qui sont des preuves authentiques et des preuves claires et explicites sur le fait que Allah subhanahu wa ta'ala est le créateur de toute la création, dans toutes ses différentes catégories, dans toutes ses différentes sortes. Et il explique, Allah subhanahu wa ta'ala explique et clarifie dans des versets clairs et explicites qu'il est le créateur de toutes choses. Comme par exemple le verset 62 dans Surat Al-Muzzammil, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Allah est le créateur de toutes choses et il est garant de toutes choses. Wa huwa ala kulli shay'in wakil. » Et dans le verset 2 dans Surat Al-Furqan, Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie wa khalaqa kulla shay'in, il a créé toutes choses, faqaddarahu taqdira. Et il a donné à toutes choses sa juste mesure. Wa qawluhu tabaraka wa ta'ala, tabaraka alladhi biyadihi al-mulk wa huwa ala kulli shay'in qadir. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Le verset 1 et 2 dans Surat Al-Mulk, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit béni soit celui à la main de qui il y a le royaume et il a le pouvoir sur toutes choses. Celui qui a créé la vie, la mort et la vie pour vous éprouver, pour voir lequel d'entre vous sera le meilleur en œuvre. Et c'est lui le Tout-Puissant, le Pardonneur. Et dans le verset 1 et 2, dans Surat Al-Alaq, Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie, « Wa min qawlihi azza wa jal, iqra bismi rabbika alladhi khalaq, khalaqa l'insana min alaq. » Lis par le nom de ton Seigneur qui a créé l'homme d'une adhérence. وهناك آيات متعددات تدل على منة الله ونعمته وفضله وإحسانه على مخلوقاته وفي مقدمة المخلوقات عالم المكلفين من الإنس والجن كما انفرد بخلقهم كذلك انفرد برزقهم ولم يشارك في الخلق والإيجاد والرزق والعطاء مشارك من مخلوقاته لا من عالم الأرض ولا من عامل من عالم السماء من عالم السماء لا من عالم الأرض ولا من عالم السماء بل هو وحده انفرد بخلقهم وإيجادهم وامتن عليهم بذلك فقال تبارك وتعالى يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. Donc il y a de nombreux versets dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala mentionne sa faveur et sa grâce et son mérite et sa bonté pour ses créatures. Et avant, yani à la tête de toutes ces créatures, le monde des djinns et des hommes, qui est le monde de ceux qui sont mukallafoun, c'est-à-dire le monde de ceux sur qui il y a une charge de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire qui ont le devoir d'obéir aux ordres d'Allah, d'appliquer ce qui est ordonné et de s'abstenir de ce qui est interdit. Kaman farada. Donc de la même manière que Allah subhanahu wa ta'ala est le seul qui a tout créé dans l'univers, il n'y a pas d'autre créateur que lui et personne n'a rien créé en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc de la même manière qu'il est le seul aussi à donner la subsistance. C'est le seul qui donne à sa création la subsistance dont ils ont besoin pour vivre. Et il n'y a personne qui est associé avec Allah subhanahu wa ta'ala dans quoi que ce soit de ce genre de choses. C'est-à-dire que ce soit dans la création, le fait de dans notre existence, c'est lui seul qui nous a créés, c'est lui seul qui nous a fait exister, c'est lui seul qui nous donne notre subsistance et qui nous donne. Allah subhanahu wa ta'ala n'a aucun associé dans ça. Il n'a aucun partenaire parmi ses créatures dans ce genre de, dans ces actions-là. Ni dans le monde de qu'est-ce qui est sur la terre, des créatures qui existent sur la terre, ni dans le monde des cieux. Donc il est le seul et l'unique, et celui qui est le seul à avoir créé et à avoir donné l'existence à toute chose, et c'est le seul à qui on doit cette faveur d'avoir été créé et d'exister, et d'avoir obtenu la subsistance qu'on a pour vivre et pour continuer à exister. Et il mentionne le verset 6 et 7 dans Surat Al-Infitar, qui signifie les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala qui signifie ce qui suit. Oh, toi, l'homme. Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse à l'être humain. Il dit, oh homme, qui t'a trompé au sujet de ton Seigneur, le noble? Celui qui t'a créé, t'a modelé et t'a constitué de manière harmonieuse. Et il mentionne dans le verset 3 et 1, de 1 à 3, قال تعالى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. Et il dit dans Surat Al-A'la ce qui signifie que soit glorifié et purifié le nom de ton Seigneur le Très-Haut, celui qui a créé et agencé l'homme harmonieusement, la création de l'homme de façon harmonieuse, et qui a prédestiné et créé toutes choses en juste mesure et qui a guidé. وانفرد بالرزق فهو الرزاق ذو القوة المتين كما صرح بذلك في قوله عز وجل إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. Et Allah subhanahu wa ta'ala est le seul à avoir donné la subsistance. Et c'est pour cette raison-là qu'il a comme parmi ses noms Ar-Razzaq, celui qui donne la subsistance. Zul quwwatil matin, qui a la puissance, qui a la force et qui est l'inébranlable. Et Allah, il dit ça explicitement dans le verset 58 dans sourate Az-Zariyat, qui signifie en français, certes, Allah subhanahu wa ta'ala est Ar-Razzaq, celui qui donne la subsistance. Zul quwwatil matin, celui qui détient la force, l'inébranlable. وهكذا قول الحق سبحانه في وفي السماء رزقكم وما توعدون أي أن من أسباب الأرزاق الأمطار التي ينزلها الله عز وجل من السماء على الأرض فتهتز الأرض وتنشق عن النبات فتأكل جميع المخلوقات من جميع فتأكل جميع المخلوقات من ذلك على اختلاف أصنافهم وذلك من فضل الله ومن عطائه ورزقه فليس لأحد في ذلك يد. Donc, le Cheikh il explique que de même que Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans sourate Az-Zariyat le verset 22, وفي السماء رزقكم, et votre subsistance est dans les cieux, ainsi que ce qui vous est promis. C'est-à-dire que parmi les causes de notre subsistance, il y a la pluie qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait descendre des cieux sur la terre. Et c'est ainsi que la terre, lorsque elle est sèche et que la pluie tombe sur la terre, elle gonfle. Et on voit sortir de cette terre toutes sortes de genres de plantes. Et ces plantes-là, bien entendu, elles sont mangées par les créatures, les légumes et les différentes herbes et les plantes. Les animaux mangent de ces plantes-là, et nous on mange des légumes et des plantes, et on mange également des animaux qu'Allah a créés et qui nous a rendus halal. Hein? Donc tout ça c'est de la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, et des dons qu'il nous a faits, et de la subsistance qu'il nous a donnée, et personne d'autre n'a de part dans cette subsistance-là. وَهَكَذَا أتى الامتنان بالرزق في آيات كثيرة وما ذلك إلا لتكون الأمة أمة شاكرة لله عز وجل على عطائه وعلى سعة الرزق كما قال تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ومن يخرج الميت من الحي. Donc le cheikh il dit donc que tout ce qu'il nous a donné comme faveur du risque de la subsistance, qui sont mentionnés dans de nombreux versets, tout ça c'est pour une seule chose, c'est pour que cette umma, cette nation des croyants, soit une nation qui est reconnaissante envers Allah subhanahu wa ta'ala, envers tous les dons et envers les largesses que Allah subhanahu wa ta'ala nous a faites dans sa subsistance, pour qu'on soit reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et bien entendu, la reconnaissance, ça se limite pas seulement à dire avec la langue Alhamdulillah, hein, Ashukrulillah. La reconnaissance qu'on doit à Allah subhanahu wa ta'ala, ça doit être une reconnaissance du cœur, du fait qu'on reconnaît que tout ce qu'on a vient de lui et qu'on y croit dans notre cœur, et une reconnaissance verbale lorsqu'on remercie Allah subhanahu wa ta'ala avec notre langue, et également une reconnaissance physique dans le fait qu'on met en application les ordres qu'il nous a ordonné d'appliquer et qu'on s'abstient de faire ce qu'il nous a interdit. Tout ça, ça signifie, c'est ce que signifie le fait d'être reconnaissant. Parce que certaines personnes, parfois, pour eux, la reconnaissance se limite uniquement avec la langue. Et bien entendu, ça c'est une reconnaissance qui est déficiente. C'est un remerciement qui est déficient, incomplet. Hein? Et ensuite, le cheikh il mentionne le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, dans sourate Yunus, le verset 31, dit, « Qui vous donne votre subsistance des cieux et de la terre ?» Et qui détient l'ouïe et la vue, et qui fait sortir le vivant du mort, et qui fait sortir le mort du vivant, Donc tout ça c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui le fait. والخلاصة أن الله خلق الخليقة برها وفاجرها مؤمنها وكافرها صامتها وناطقها جامدها ومتحركها خلق ورزق وحفظ وقدر ويسر الأمور وسهل كل ذلك لتحقق الأمة مراد الله سبحانه وتعالى منها كما في قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. Donc pour en résumer tout ce qu'on vient de mentionner et d'expliquer, que Allah subhanahu wa ta'ala est le créateur de la création, il a tout créé, il a créé les hommes qui sont bons, il a créé ceux qui sont pervers, il a créé ceux qui croient et il a créé ceux qui ne croient pas. Il a créé ceux qui parlent, il a créé ceux qui ne parlent pas. Il a créé ceux qui ne bougent pas et ceux qui bougent. Il a donné la subsistance, il a préservé, il a mesuré, il a facilité les choses et rendu les choses faciles. Tout ça dans un seul but et dans un seul objectif. Et cet objectif de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est quoi? C'est qu'on l'adore. Comme il a mentionné dans le verset Az-Zariyat, les versets 56 à 58, il dit, ce qui signifie, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. C'est-à-dire que pour qu'ils m'unifient dans l'adoration, qu'ils n'adorent que moi. Et je ne veux de leur part aucune subsistance, et je ne veux pas qu'ils me nourrissent. C'est Allah, certes, qui est celui qui pourvoit la subsistance et qui détient la force qui est l'inébranlable. خلقهم في أحسن تقويم وكرم بني آدم بأنواع من الكرامات لا تدخل تحت العد والحصر وامتن عليهم بذلك في قوله تعالى ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا وركب فيهم العقول وركب فيهم الحواس التي تدرك بها المصالح بأن جعل لهم سمعا يسمعون به ما يحتاجون إليه من الواجبات والمباحات ويسمعون به العلم وكلمة الحق والخير ويسمعون ما يحتاجون إلى سماعه من مخاطباتهم وقضاء حوائجهم وعلاقاتهم الاجتماعية والأسرية وجعل لهم أبصارا يبصرون بها ما يحتاجون إليه وجعل لهم أفئدة أي قلوبا وعقولا يميزون بها بين النافع والضار وبين الحق والباطل وبين الصالح والطالح. Donc le cheikh il explique qu'il a donné, il nous a créé dans la meilleure forme et il a honoré les fils d'Adam par toutes sortes d'honneurs qu'il nous a fait, qu'on ne peut même pas calculer et qui sont illimités. Et il nous a fait de grandes faveurs, il a mis sur les hommes de grandes faveurs. Et il mentionne le verset 70 dans Surat Al-Isra, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, et nous avons certes honoré les fils d'Adam, et nous les avons portés sur la terre et sur la mer, et nous leur avons donné parmi les subsistances toutes les bonnes choses, et nous les avons préférés de toutes les autres créatures, et au-dessus de beaucoup d'entre les créatures. Et il nous a donné, il nous a créé avec une raison, une logique, et avec des sens, hein, le toucher, l'ouïe, la vue, hein, l'odorat. Donc tout ça, c'est des sens qu'il nous a donné pour qu'on puisse trouver et connaître ce qui est bon pour nous, ce qui est bénéfique pour nous. Et il nous a donné l'ouïe pour qu'on puisse entendre les choses qu'on a besoin d'entendre parmi les choses obligatoires et les choses qui sont permises. Et pour qu'on puisse entendre aussi également avec nos oreilles la science et les paroles de vérité et de bien, et aussi pour qu'on puisse entendre les choses qu'on a besoin d'entendre, comme les discours et les paroles qui nous sont adressées, et pour pouvoir remplir nos besoins, et pour pouvoir avoir des relations sociales et familiales. Et il nous a donné également une vue pour qu'on puisse voir ce qui est nécessaire pour nous. Je me souviens une fois, lorsque j'ai parlé à un cheikh avec qui j'étudiais au début de ma conversion, et je lui disais, parfois je préférerais être aveugle pour que je ne voie pas les choses que Allah aime pas. Et il m'a dit, tu ne dois pas dire ça. Parce que si tu étais aveugle, tu ne pourrais pas voir les bonnes choses qu'Allah a créées. Donc, effectivement, Allah subhanahu wa ta'ala nous a créé avec une ouïe, il nous a créé avec une vue, il nous a créé avec des sens, une raison et un cœur, pour qu'on l'utilise dans le bien et pour qu'on fasse le bien avec ces choses-là. Et non pas pour qu'on les utilise pour nous aider à transgresser et à désobéir aux limites d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il nous a créé avec la vue pour qu'on puisse voir qu'est-ce qui est bénéfique pour nous et qu'est-ce qui est bon pour nous. Et il nous a donné un cœur également, une raison pour qu'on puisse réfléchir, pour qu'on puisse distinguer entre ce qui est bénéfique et ce qui est nuisible, pour qu'on puisse distinguer entre la vérité et le faux, entre qu'est-ce qui est bon et ce qui est mauvais. ومع هذه النعم التي أشرت إلى بعضها لم يتركهم الله تبارك وتعالى هملا لا يؤمرون ولا ينهون ولم يكلهم إلى عقولهم وحواسهم بل أرسل إليهم رسلا من لدن آدم عليه السلام إلى أن ختمت الرسالات والنبوات برسالة محمد صلى الله عليه وسلم وأنزل عليهم كتبا يبينها أولئك الرسل يبينها الأنبياء الذين يأتون بعد الرسل ويبينها العلماء الربانيون الذين درسوا وتذاكروا وتعلموا ما جاء به الرسل من عند الله عز وجل وبذلك قامت الحجة على الناس وانقطعت المعذرة كما قال الله عز وجل رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل فرسالات الرسل وبلوغ دعوتهم إلى الخلق تنقطع وبدعوة الرسل وبدعوتهم إلى الخلق تنقطع الحجة ويبطل الاعتذار يوم يسألهم الله تبارك وتعالى عما جاء به المرسلون. Donc le cheikh, il dit que ces grâces qu'on a mentionnées, dont on a mentionné certaines d'entre elles, Allah subhanahu wa ta'ala, avec toutes ces grâces-là, il ne nous a pas laissés comme ça, comme des êtres, comme des animaux. Il ne nous a pas laissés comme ça, non. Il nous a ordonné des choses à suivre et respecter. Il nous a interdit des choses dont on doit s'abstenir. Et il ne nous a pas laissés uniquement nous en tenir à notre raison et à nos sens. Il nous a en plus de ça envoyé des messagers depuis Adam jusqu'à ce que la prophétie soit terminée et clôturée par le message de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est venu terminer et clore la prophétie avec le livre qu'il lui a révélé. Donc il ne nous a pas juste laissé avec notre raison, comme certains aujourd'hui, quand tu leur mentionnes des versets ou des hadiths, ils rejettent parfois les versets qui viennent d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou les hadiths qui viennent du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ils disent, non, moi je me base sur qu'est-ce que je trouve comme logique. Si c'est logique, je le suis, et si c'est pas logique, je le suis pas. Mais le problème dans ça, c'est que tout le monde a une logique différente. Peut-être qu'un tel, il a telle chose, il dit ça c'est logique. Et l'autre, il dit que ce que l'autre trouve logique, c'est le contraire de ce que l'autre a trouvé comme étant logique. Donc, où est-ce qu'elle est la logique en fait? Si on ne retourne pas à ce que Allah subhanahu wa ta'ala a révélé, on tombe dans la confusion, la contradiction, et dans l'égarement, et dans les passions, et dans les désirs. Parce que toute personne qui veut suivre sa passion et s'éloigner de la révélation, il va essayer de prétendre que ce qu'il suit, c'est logique et c'est raisonnable. Alors que chacun a des raisons, une raison qui diverge et qui contredit la raison de l'autre. Donc notre référence, c'est la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala, il ne nous a pas abandonnés. Il ne nous a pas laissés à nous-mêmes. Il a envoyé des messagers avec des livres. Et ces messagers-là viennent. Ils amènent des révélations et des livres. Et il y a après eux des prophètes qui viennent pour clarifier ce que les messagers ont révélé. Et après, il y a des ulama qui viennent expliquer et enseigner et rappeler donner l'explication et la clarification aux gens de ce que les messagers ont amené de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ainsi que la preuve d'Allah subhanahu wa ta'ala est établie sur l'humanité. Et qu'ils n'ont plus d'excuses. Puisque la preuve a été établie. Et les messagers sont venus avec les preuves. Donc ils n'ont plus d'excuses. Ni dans cette dunya, ni dans l'au-delà. Au jour de la résurrection, ils ne pourront pas dire on ne savait pas. On n'a pas eu le message. Hein? Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset 165, dans Surat An-Nisa, des messagers qui viennent comme annonciateurs de bonnes nouvelles et comme avertisseurs d'un châtiment pour qu'il n'y ait plus de preuves contre Allah subhanahu wa ta'ala après qu'il ait envoyé les messagers. Pour qu'il n'y ait plus de preuves contre Allah subhanahu wa ta'ala une fois qu'il ait envoyé les messagers. Donc personne ne peut dire « je ne savais pas, je n'ai pas entendu ». Le message, il a été transmis et il est clair. Donc, les messages des messagers ont été transmis. Et ces messages et ces appels et ces invitations ont atteint la création pour que la preuve soit coupée, c'est-à-dire pour que la preuve soit établie et que l'excuse soit annulée le jour où Allah subhanahu wa ta'ala va leur poser des questions au sujet des messagers. Et il dit le cheikh ensuite, ورتب الله تبارك وتعالى على طاعة الرسل رضاه والجنة لأن الله عز وجل أرسلهم ليطاعوا وختمهم برسالة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ليطاع فلا يعصى وأشار إلى ذلك بقوله سبحانه وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله كما قال عز وجل ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وناداهم بنداء لطيف آمرا لهم بطاعته وطاعة رسوله وطاعة ولي أمر المسلمين فقال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. Donc le cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala a fait que celui qui obéit à son messager il aura la satisfaction d'Allah et il aura le paradis comme récompense. Et Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé ses messagers pour qu'ils soient obéis, pour qu'ils soient obéis. Et il a fait terminer ou il a clos la révélation et le message par le message du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, puisqu'il est le dernier d'entre les prophètes et d'entre les messagers d'Allah. Il n'y a pas d'autre prophète ni de messager après lui. Et il l'a envoyé comme dernier messager pour qu'il soit obéi et pour qu'il ne soit pas désobéi. Et Allah subhanahu wa ta'ala mentionne cela dans le verset 64, dans Surat An-Nisa, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie « Et nous n'avons envoyé de messager excepté pour qu'il soit obéi par la permission d'Allah. » Et comme Allah subhanahu wa ta'ala dit également ce qui signifie dans Surat An-Nisa, le verset 69, Et celui qui obéit à Allah et à son messager, alors ceux-là seront avec ceux sur qui Allah a mis sa grâce, parmi les prophètes, parmi les véridiques, parmi les témoins ou les martyrs et les pieux et les vertueux. Donc Allah subhanahu wa ta'ala également, il appelle par un appel doux et léger. Il appelle ses serviteurs à obéir, c'est-à-dire à lui obéir à lui, et à obéir son messager, et à obéir aux dirigeants des musulmans. Dans le verset 59, dans Sourate An-Nisa, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ce qui signifie: ô vous qui avez cru, obéissez à Allah, obéissez aux messagers et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement. وَأَرْشَدَهُمْ عِنْدَ التَّنَازُعْ وَالِخْتِلَافْ أَنْ يَرْجِعُوا إِلَىٰ كِتَابِ رَبِّهِمْ وَسُنَّةِ نَبِيِّهِمْ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بَعْدَ وَفَاتِهِ فَقَالَ عَزَّ وَجَلْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. Allah subhanahu wa ta'ala, ensuite, dans le même verset, 59 dans Sourate An-Nisa, il nous oriente, lorsqu'on a des divergences, lorsqu'on a des disputes, de ramener ces divergences et ces disputes au livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et à la sunna de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Après, bien entendu, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, puisque durant sa vie, les sahaba amenaient leurs divergences au prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même. Mais après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, ils ramenaient leurs divergences à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. فَقَالَ عَزَّ وَجَلْ, et donc Allah subhanahu wa ta'ala dit à la fin du verset, et si vous divergez en quoi que ce soit, فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ, et shay'un ici c'est une chose indéfinie, ça veut dire que ça inclut toute chose en fait, toute divergence, que ce soit une divergence dans quelque chose d'important et de grand ou dans quelque chose de petit, comme les ulama l'ont expliqué dans le tafsir. Donc si vous divergez en quoi que ce soit, ramenez-le, rapportez cette divergence à Allah, c'est-à-dire à son livre, et rapportez-le à son messager, c'est-à-dire à sa sunna. Si vous croyez réellement en Allah et au jour dernier, ce sera meilleur et d'une meilleure conclusion. Ce sera meilleur pour vous et d'une meilleure conclusion. Et il dit: وَمَنْ عَصَى الرَّسُولَ دَخَلَ النَّارَ وَكَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَقْتَهُ وَسَخَطَهُ وَغَضَبَهُ وَصَبَّ عَلَيْهِ أَلِيمُ عَذَابِهِ لِأَنَّهُ هُوَ الَّذِي ظَلَمَ نَفْسَهُ بِرَفْضِ مَا جَاءَ بِهِ الْمُرْسَلُونَ ومتابعة الهوى والشيطان والنفس الأمارة بالسوء هذه الأنواع الثلاث شر محض ودعاة ضلال. Donc le cheikh il dit: celui qui désobéit au messager, il entre dans l'enfer, et Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit sur lui sa colère, ou a écrit sur lui sa colère, son courroux, et qu'il est en colère contre lui. Al-Maqt, c'est la colère qui est très grande. Et As-Sakhat aussi, c'est le courroux, comme c'est traduit dans certaines traductions du Coran, le courroux ou la colère. Ça a le même sens. Et Al-Ghadab aussi, c'est le fait d'être en colère ou de se fâcher. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il se fâche et il est en colère contre celui qui désobéit au messager. Et il mettra sur lui son châtiment douloureux, comme il le mentionne dans le Coran, parce que cette personne s'est fait du tort à lui-même et s'est fait une injustice à lui-même en refusant ce qui est ramené par les messagers, et en suivant sa passion, en suivant le shaitan et en suivant son âme qui l'incite à faire le mal. Et ces trois choses-là sont le mal pur, puisqu'ils invitent à l'égarement, c'est-à-dire la passion, le shaitan et l'âme qui t'incite à faire le mal. Ce sont tes trois ennemis, trois de tes ennemis. Le cheikh il dit: wa shaitan kama akhbarana Allah azza wa jalla anhu hadharana minhu بقوله يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. Donc le shaitan, Allah nous a averti à son sujet et nous a mis en garde contre lui. Et il mentionne le verset 21 dans Sourate An-Nur qui signifie « Ô vous qui avez cru, ne suivez pas les pas du shaitan. Et celui qui suit les pas du shaitan, sachez qu'il ordonne, certes il ordonne à la turpitude, c'est-à-dire aux graves péchés, aux péchés qui sont laids, et au mal, au munkar, à tout ce qui est contraire à l'islam, tout ce qui est contraire à la sharia. Hein? فأخبرنا عز وجل عن قبح دعوة الشيطان لنحذرها. Donc il nous a informé de la laideur des appels du shaitan pour qu'on puisse être averti et mis en garde. Donc la da'wa du shaitan, c'est une da'wa qui est laide, c'est une da'wa qui est dégoûtante parce qu'elle appelle à tout ce qui est mauvais. Elle appelle à tout ce qui amène l'homme à sa destruction, soit dans cette vie ou dans l'au-delà. Hein? Puisque lorsque l'homme obéit et suit les pas du shaitan, eh bien ça l'amène vers sa perte. Ça l'amène à se détruire lui-même, soit dans cette vie d'ici-bas, ou soit dans l'au-delà. Parce que les gens, des fois, ils ne réalisent pas. Parfois, ils obéissent au shaitan ou ils suivent le shaitan, consciemment ou inconsciemment, et ils font des choses qui leur font du tort et ils ne réalisent même pas qu'ils sont en train de se détruire eux-mêmes. Et des fois il y en a qui suivent les pas du shaitan et les sentiers du shaitan et la voie du shaitan, qui s'imaginent être bien, puis le jour de la résurrection quand ils vont être devant Allah subhanahu wa ta'ala, ils auront des remords. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans un verset dans le Coran, وَبَدَى لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala va leur faire voir ce jour-là, va leur dévoiler ce jour-là ce qu'ils ne s'imaginaient pas, ce qu'ils ne calculaient même pas, de la laideur des péchés qu'ils faisaient. Hein? Et il dit كُلُّ مَعْصِيَةٍ وَكُلُّ مَعْصِيَةٍ, le shaykh dit وَكُلُّ مَعْصِيَةٍ مِنْ قَوْلٍ وَفِعْلٍ ظَاهِرًا أَوْ بَاطِنًا يَرْتَكِسُ فِيهَا الْعَبْدُ فهي نتيجة لاستجابته لدعوة الشيطان ولخطر ذلك جاء التنبيه للأمة والإرشاد والتوجيه في كتاب الله عز وجل للأمة لتحذر الهوى ولتحذر متابعة الشيطان ولتحذر تلبية أمنيات النفس الأمارة بالسوء في آيات متعددة كما في قول الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام وأمته وأمته تبع له في الخطاب وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون وفي قوله عز وجل ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله وفي قوله تبارك وتعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون وهكذا قول الحق سبحانه وتعالى إن النفس لأمارة بالسوء إلا من رحم ربي وقال في حق الشيطان والتحذير من متابعته وبيان عاقبة المتابعة إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير هذا ولكم لهذه الآيات ونظائر في هذا المعنى في كتاب الله Donc le cheikh il dit, tout péché que tu fais, que ce soit par la parole ou par action, que ce soit apparent ou intérieurement, amène le serviteur, donc il dit tout péché que le serviteur fait, que ce soit par sa parole ou par ses actions, que ce soit apparent ou caché, c'est parce qu'il a répondu à la da'wa du shaitan. Lorsqu'il l'a commis, ce péché-là, c'est parce qu'il a répondu à l'invitation du shaitan. Et à cause du danger de ça, il y a eu des mises en garde et des orientations de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala dans son livre pour la Umma. Et il nous a avertis contre la passion. Il nous a avertis contre le fait de suivre le shaitan. Il nous a avertis contre le fait de répondre à ce que notre âme qui nous appelle au mal peut nous inviter à vouloir faire parfois. Dans plusieurs versets dans le Coran. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne à son prophète, et la Ummah est concernée dans ce discours, dans ce verset également, puisque ce qui s'adresse au prophète sallallahu alayhi wa sallam s'adresse également à la Ummah. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 116 dans Suratul An'am, et si tu obéis à la plupart des hommes sur la terre, ils t'égareront du chemin d'Allah. Ils ne font que suivre les conjectures. Ils ne font que suivre les conjectures et les suppositions. Et ils ne suivent pas qu'est-ce qui est clair et les choses sur lesquelles il n'y a pas de doute. Ils ne font qu'émettre des suppositions et de suivre qu'est-ce qu'on appelle en arabe avan, qu'est-ce qui oppose la vérité. وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ. Et ce verset-là, en même temps, c'est une preuve pour celui qui pense que la majorité est une référence. Et comme on remarque en même temps, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit « وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ » Si tu suis à la plupart des hommes sur terre, ils vont t'égarer du chemin d'Allah. Il y a beaucoup de gens parmi les musulmans, que ce soit ici dans les pays non musulmans, ou bien dans les pays musulmans aussi, qui sont très très susceptibles devant le regard des gens qui opposent la vérité, qui sont très très susceptibles vis-à-vis des commentaires ou des critiques ou des jugements que peuvent poser les ennemis de la vérité, les ennemis des prophètes ou les gens qui refusent de suivre qu'est-ce qui est mentionné par Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète dans la révélation. Ils sont très très sensibles à toute critique et à tout regard et à toute parole qui est adressé vers eux lorsqu'ils décident de suivre qu'est-ce qui est dans le Coran et dans la Sunna. Et ça, c'est quelque chose qui est très dommage. C'est comme s'il y a quelque chose que les koufars appellent en anglais peer pressure. C'est-à-dire, lorsque quelqu'un est jeune, il est adolescent, il est à l'école, il a peur de la pression de ses amis. Il a peur de contredire ses amis, alors il veut faire comme eux. Pour pas être différent, parce qu'il a peur de leur jugement. Que s'il fait quelque chose de différent de qu'est-ce que eux font, eh bien, ils vont le mettre à l'écart, ou bien ils vont se moquer de lui, ou bien ils vont se railler, ou des choses de ce genre. Et cette pression-là, c'est une pression qui se limite pas seulement aux jeunes, qui se limite pas seulement aux adolescents. Cette pression-là, elle peut exister également chez les adultes. Et elle peut être exercée par la société au complet, pas seulement par un petit groupe de personnes. Et c'est ce qu'on ressent parfois lorsqu'on est dans une société et qu'on est une minorité. On devient susceptible et on se sent visé par toute critique et par tout regard. Mais le croyant, le vrai croyant, il ne doit pas être affecté par ça. Il ne doit pas se laisser affecter par la critique de la majorité des gens qui sont dans l'égarement. Et il ne doit pas se sentir susceptible du fait que les non-croyants le blâment du fait qu'il obéit à Allah et à son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Au contraire, il doit être fier et il doit adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme Allah subhanahu wa ta'ala le dit dans le Coran. وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ. C'est-à-dire, ils ne craignent pas le blâme d'un blâmeur. Peu importe qu'est-ce que les gens vont dire contre ce que tu fais, du fait que tu obéis à Allah. Hein? Et tu ne dois pas te sentir mal vis-à-vis de leurs critiques ou de leurs regards. Au contraire, tu dois être ferme et fier dans ta croyance et dans ta pratique et dans ta religion. Hein? Et ne pas essayer de rechercher l'approbation des créatures dans ce que tu fais. Si Allah est satisfait de toi, c'est ce qui est important. Même si tous les autres êtres humains sur la terre sont contre toi. Et celui qui cherche l'approbation des créatures, alors qu'il déplaît à Allah et que Allah n'est pas satisfait de lui, eh bien celui-là, il est le perdant. C'est-à-dire que même si tous les hommes sur la terre sont satisfaits de toi et ils te disent les bravos, si Allah subhanahu wa ta'ala est en colère contre toi parce que tu lui as désobéi, eh bien, leur satisfaction ne te servira à rien au jour de la résurrection. Et tu seras du nombre des perdants. Donc, le croyant, il doit apprendre à voir les choses de cette façon. Et à être fort et fier. Et ne pas regarder la quantité ou le nombre des gens. Hein, dire, la majorité des gens font ça, donc c'est ça qui est bien. Ceux qui font ça, c'est une minorité. Oh, ça veut dire qu'il ne faut pas être comme ça. C'est pas ça la référence. Regardez, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a reçu le message d'Allah, il était tout seul. Lorsqu'il a reçu la révélation au début. Et ensuite, il y a des gens qui ont commencé à croire avec lui. Hein? Ali radiallahu anhu, Abu Bakr al-Siddiq radiallahu anhu, Bilal. Hein? Ils étaient très très peu au tout début. Et tout le monde se moquait d'eux. Et tout le monde les insultait. Et tout le monde leur faisait des problèmes. Est-ce qu'ils ont dit, mais tout le monde est contre nous, on va laisser tomber. Hein? On n'aurait jamais le dessus. Non, ils ont été confiants en Allah, patients en la promesse d'Allah, et ils ont été persévérants. Et Allah subhanahu wa ta'ala a donné la victoire aux croyants. Et c'est comme ça à toute époque. Il y a toujours des épreuves qui vont venir. Un autre exemple, des avertissements d'Allah subhanahu wa ta'ala par rapport à ces choses-là, le verset 26 dans Surat Sad, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, ne suis pas la passion, parce qu'elle va t'égarer du sentier d'Allah. Hein? Tes désirs et tes passions, qui sont en contradiction avec la révélation, hein? Si tu les suis, ils t'égarent du droit chemin. Le verset 23 dans Surat Al-Jathiyah, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ce qui signifie, n'as-tu pas vu celui qui a pris sa passion comme divinité? Et Allah l'a égaré avec science. Et il a scellé son ouïe et son cœur. Et il a mis un voile sur ses yeux. Alors qui va le guider après Allah? Ne vous souvenez donc pas. Afalat avec Karun. N'allez-vous donc pas vous souvenir? Et il mentionne un autre verset, le verset 53 dans Surat Yusuf. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce verset que l'âme, inna nafs la ammaratum bissou, elle appelle, elle invite, hein, ou elle ordonne le mal, excepté celui à qui mon Seigneur a fait miséricorde. Illa man rahima rabbi. وقال في حق الشيطان, il dit à propos du shaitan et de la mise en garde vis-à-vis du fait de suivre le shaitan et des mauvaises conclusions et conséquences de suivre le shaitan, il dit, certes la promesse d'Allah est véridique et vérité, alors ne sois pas trompé par la vie d'ici-bas et ne laisse pas le trompeur te tromper, hein? Ne laisse pas le trompeur te tromper à propos d'Allah. Hein? وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورِ. Al-gharour, c'est le shaitan, hein? Celui qui vient te tromper, hein? Et le verset 6 également, en surat Fatir, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, certes le shaitan est pour vous un ennemi, alors prenez-le comme un ennemi. Parce que beaucoup de gens savent que le shaitan est un ennemi pour eux, mais eux ne le prennent pas comme un ennemi en retour, hein? Et c'est ça qui est dangereux. Et donc, à cause de ça, les gens sont pas, ils se préparent pas. Hein? Quand tu sais que quelqu'un est ton ennemi, ça c'est une chose, mais que toi aussi tu le prennes comme un ennemi, ça c'est encore plus fort, parce que ça veut dire que tu vas passer à l'offensive, tu ne vas pas seulement rester à la défensive. Tu ne vas pas seulement attendre que ton ennemi t'envoie des tentations et des égarements. Tu vas passer de l'avant et tu vas contre-attaquer. C'est-à-dire que tu vas appeler à la vérité, tu vas appeler à la droiture, tu vas appeler les gens et avertir les gens contre lui. Et appeler les gens à ceux qui opposent le chemin du shaitan, et ainsi de suite. Donc pas d'être passif face à la désobéissance d'Allah. Pas d'être passif face à l'égarement. Pas d'être passif face à ceux qui appellent les hommes à suivre les sentiers du shaitan. Non. Tu passes à l'offensive, c'est-à-dire tu invites les hommes à la vérité et au bien. Et tu réfutes les shubuhat et les shahawat et tu appelles les hommes à la vérité. إِنَّمَا يَدْعُ حِزْبَهُ لِيَكُونُ مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ. Il ne fait appeler son groupe, son parti, pour qu'ils soient des compagnons de l'enfer avec lui. Donc ça c'est très grave et c'est très dangereux. وَلِهَذَا et combien il y a d'autres versets semblables dans le Coran, de la même signification. وَإِذَا كَانَ الْأَمْرُ كَمَا عَلِمْتِ إِذَا كَانَ الْأَمْرُ كَمَا عَلِمْتِ فَسَعَدَتُ الدَّارَيْنِ محصورة في طاعة الله وطاعة الرسل عليهم الصلاة والسلام كما أمر الله وبين وأنزل في كتبه التوراة والإنجيل والزبور والفرقان والصحف إبراهيم وموسى أن الشقى والضلال سببه معصية الرسل ورد دعوتهم والخروج عن طاعة الله تبارك وتعالى. للشيخ الزدنك. Comme tu as su maintenant, le bonheur dans les deux mondes, que ce soit dans cette vie d'ici-bas ou dans l'au-delà, se limite uniquement dans l'obéissance d'Allah. Le bonheur se limite uniquement dans le fait d'obéir à Allah. Dans le péché, dans la bid'ah, dans le shirk, dans tout ce qui est désobéissance d'Allah, il n'y a aucun bonheur. Peut-être que quelqu'un peut penser qu'il va y avoir un bonheur quelconque dans le fait de faire un péché ou de désobéir à Allah. Mais c'est seulement une illusion de bonheur. C'est seulement un bonheur éphémère, de courte durée. Les répercussions de ce soi-disant bonheur sont tellement graves que ça devient négligeable. C'est-à-dire ce bonheur-là devient négligeable par rapport aux effets néfastes qui découlent du résultat par la suite. Comme les gens qui disent boire de l'alcool pour se sentir bien. Peut-être qu'il y a un petit bonheur là-dedans, temporaire. Mais les répercussions de ce soi-disant bonheur ramènent des effets très très néfastes sur la personne et sur la société. La drogue, c'est la même chose. Le zina, c'est la même chose. Et tous les autres péchés, riba, c'est la même chose. Le shirk, c'est la même chose. Peu importe quel péché tu vas prendre, tu penses qu'il y a un bonheur là-dedans, regarde les conséquences, tu vois que les conséquences néfastes et mauvaises et négatives sont multipliées par rapport au petit bien que tu peux tirer de ce péché-là. Donc c'est pas un vrai bonheur. Et les conséquences dans l'au-delà, eh bien ça, c'est l'enfer pour l'éternité. Ou bien l'enfer pour un certain temps, si la personne qui a commis un péché était un croyant, qui était sur le tawhid, eh bien il va entrer en enfer. Si Allah décide de le punir, il va entrer en enfer pour un temps, et puis après un certain temps, il va sortir par la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme il l'a promis pour les croyants, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que toute personne qui a une atome de foi va sortir de l'enfer. Donc ça c'est un point. Sauf que celui qui n'a pas eu de foi ou qui est mort sur le shirk ou le kufr majeur va rester pour l'éternité en enfer. Donc peut-être qu'il a eu un peu de plaisir dans cette vie. Peut-être qu'il a joui de certaines jouissances. Mais le moment qu'il va entrer dans l'enfer, il va oublier tout ce qu'il a eu comme plaisir. Et il ne va même plus s'en souvenir. Donc pour quelques petits instants de plaisir, il a détruit son au-delà et sa vie éternelle. نسأل الله العافية كالله نبخزيف الشيخ الزي donc si tu regardes notre bonheur il est dans l'obéissance d'Allah, dans l'obéissance des messagers et comme Allah SWT l'a clarifié et l'a révélé dans ses livres que ce soit la Torah, l'Injil, Al-Zabur et Al-Furqan qui est le Coran et Suhuf Ibrahim et de Moussa, le malheur et l'égarement viennent toujours à cause des péchés et de la désobéissance des messagers et du fait de refuser leur appel et de sortir de l'obéissance d'Allah. C'est ça les causes de l'égarement et du malheur dans cette vie et dans l'au-delà. Et c'est pour ça que le cheikh il mentionne donc cette phrase qui est une très courte, ces deux phrases qui sont très courtes au sujet du messager. Il dit et il vous a envoyé un messager. Celui qui lui obéit entre au paradis, celui qui lui désobéit entre en enfer. Donc tout ce qu'on vient de mentionner comme preuve, c'est relié à ces deux petites phrases. Donc on peut s'arrêter ici, Inch'Allah, pour aujourd'hui, puis continuer la semaine prochaine, mercredi prochain, Inch'Allah, pour la suite des clarifications et des explications de cette parole, qui est très très très importante. Et on a tous besoin de ce genre de rappel, parce que il n'y a rien d'autre en dehors qui va nous rappeler de ça, si ce n'est pas qu'est-ce qu'on entend justement dans les mosquées d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est des paroles très très bénéfiques pour nous, et que Allah subhanahu wa ta'ala nous donne le tawfiq de profiter de ce qu'on a entendu et de le suivre du mieux qu'on peut avec son aide. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.